الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. De tout temps, les gens ont pris l'habitude, et c'est une bonne habitude, de se préparer à l'arrivée d'un noble invité, d'un invité de marque, d'un invité ayant de l'importance, un invité aimé, considéré et valorisé. Ils se préparent en achetant de la nourriture, de la boisson. Il se prépare en préparant pour lui un lieu de séjour. Il se prépare avec un état du cœur, une augmentation de l'amour, une augmentation de la joie. Et la venue d'un noble invité procure sans aucun doute beaucoup de bonheur. Et nous sommes tous dans l'attente d'un noble invité qui, lui, ne s'accueille pas en préparant forcément de la nourriture, un lieu de séjour, mais avec d'autres dispositions. Cet invité, c'est Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinat. Ce noble invité, le mois de Ramadan, durant lequel le Qur'an a été révélé, en guise de guider pour les gens et d'exposer. Et le mois de Ramadan est le mois le plus noble de l'année. Il ne convient pas aux croyants de l'atteindre et d'y entrer, si ce n'est après s'y être préparé et apprêté. Et on ne se prépare pas pour accueillir cet invité comme on se prépare pour accueillir d'autres invités. Mais avant d'entrer dans ce sujet, il nous faut parler des jours dans lesquels nous nous trouvons présentement. Il s'agit du mois de Sha'ban. Il s'agit du mois de Sha'ban, qui est le 8e mois de l'année lunaire. Il vient entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Il vient entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Et ce mois a une noblesse particulière en islam et une considération spéciale. Et il y a certaines choses à savoir qui sont relatives à ce mois. Le premier point est de savoir qu'il est recommandé de beaucoup jeûner dans le mois de Sha'ban. Wala hawla wala quwwata illa billah. Plusieurs ahadiths sont venus dans ce sens, notamment dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, nous informant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam spécifiait le mois de Sha'ban par beaucoup de jeûnes. Et Aïcha radiallahu anha a été interrogée au sujet du jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit qu'elle n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner plus que son jeûne durant le mois de Sha'ban. Il le jeûnait entièrement, si ce n'est quelques jours. Et il ne faisait pas cela pour un autre mois en dehors du mois de Ramadan. C'est-à-dire, il n'a pas jeûné un mois plus que le mois de Sha'ban, si ce n'est le mois de Ramadan qu'il jeûnait entièrement, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci était une préparation à l'entrée du mois de Ramadan. Donc parmi les moyens de se préparer à l'accueil du mois de Ramadan, il y a le fait de jeûner en amont, avant l'entrée du mois de Ramadan. Et dans cela, il y a beaucoup de sagesse. Parmi ces sagesses, ça a la place de l'acte recommandé avant l'acte obligatoire, qui est une préparation, un apprêtement, qui vient combler les éventuelles imperfections durant le jeûne obligatoire. Car comme vous le savez, le jour de la résurrection, on amènera les actes obligatoires du serviteur. Puis, on viendra combler ces imperfections avec les actes recommandés qu'il ajoutait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça vient combler, ça vient pallier à l'imperfection. C'est aussi un entraînement pour être en pleine condition, en pleine capacité, une fois l'acte obligatoire arrivé. Et d'autres sagesses que les savants nous mentionnent. Mais chacun le ressent en lui-même. Lorsqu'il a beaucoup jeûné le mois de Sha'ban, il trouve beaucoup de facilité à jeûner le mois de Ramadan et en tire le plus grand délice, le plus grand plaisir. Alors que celui qui est surpris par le mois de Ramadan et qui n'a pas eu l'habitude de jeûner et de s'entraîner à l'adoration d'Allah Azzawajal dans le mois de Sha'ban ou autre, trouve lourd particulièrement. Et les premiers jours du mois de Ramadan, le corps n'est pas encore habitué. Naam, le corps n'est pas encore habitué à cette pratique qui est la privation, naam, notamment de boissons et de nourriture. Parmi les sagesses du jeûne du mois de Sha'ban, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à Usama ibn Zayd, radiallahu anhu. Lorsque Usama radiallahu anhu lui a dit, comment se fait-il que je ne te vois pas jeûner un mois parmi les mois comme je te vois jeûner le mois de Sha'ban? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. Il lui a dit, voici un mois durant lequel les gens sont dans l'insouciance. Il se trouve en effet entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Donc, la sagesse est de faire l'adoration d'Allah dans un moment où les gens en sont distraits. Et il y a beaucoup de mérite à cela. Deuxièmement, la suite du hadith. وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي. C'est également un mois durant lequel les œuvres sont élevées au Seigneur des mondes. Et j'aime à ce que mes œuvres soient élevées en état de jeûne. En état de jeûne. Pourquoi les gens sont distraits de l'adoration durant le mois de Sha'ban et du jeûne? Car c'est un mois qui se trouve entre deux mois immense. Le mois sacré de Rajab et le mois de Ramadan, le mois du jeûne. Ainsi, les gens se concentrent sur le septième et le neuvième mois de l'année. Et si toi, tu viens dans le mois durant lequel les gens sont distraits et que tu te tiens dans l'adoration de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, naam, tu auras une récompense particulière. Car tu te seras distingué dans la course vers l'au-delà, la course vers ton Seigneur, son agrément et la demeure de l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime celui qu'il adore dans les moments d'insouciance et de distraction. Naam. Premièrement, tu obtiendras comme sagesse d'avoir caché ton acte d'adoration. Car l'acte le plus aimé chez Allah est l'acte qui est fait en secret entre toi et ton Seigneur. Deuxièmement, il y aura une plus grande sincérité. Car personne ne te soupçonnera de jeûner si tu n'en informes pas toi-même les gens. Donc, c'est un acte qui est caché. Et la prière, par exemple, la plus aimée après la prière obligatoire est celle qui est faite chez soi. Le prophète alayhi salatu wassalam priait chez lui en dehors des prières obligatoires en général. Donc il y a un mérite à cacher l'adoration. Deuxièmement, il y a une sincérité plus prononcée, car personne ne se doutera que tu jeûnes. Troisièmement, tu éduques ton âme. Tu éduques ton âme à prendre exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam dans ses états et ses situations. Et plus la personne est en adéquation avec l'adoration du prophète alayhi salatu wassalam, plus cette adoration est méritoire et valorisée. Plus cette adoration est méritoire et valorisée. Naam. Aussi, la personne qui est concentrée dans l'adoration d'Allah Azzawajal, dans un moment durant lequel les gens sont distraits, a plus forte raison, il sera plus fort que dans l'adoration au moment où eux également seront concentrés dans cette adoration. En d'autres termes, celui qui dans un moment de distraction et d'insouciance et plein de vigueur dans l'adoration d'Allah, il ne le sera que plus, et que plus que les autres, dans un moment où les gens se dirigent vers Allah Azzawajal, comme le mois de Ramadan. Comme le mois de Ramadan. Barakallahu fikum. Une autre règle relative au mois de Sha'ban, il s'agit de l'interdiction de précéder le mois de Ramadan du jeûne d'un jour ou deux. En effet, dans le hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: La taqaddamanna ahadukum, ou la taqaddamanna ahadukum Ramadan bi siyami yawmin ou yawmayn. Que personne d'entre vous ne précède le mois de Ramadan par le jeûne d'un ou de deux jours. إلا يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. Exception faite d'un homme qui avait l'habitude de jeûner un jour, qu'il jeûne ce jour. Qu'il jeûne donc ce jour. C'est-à-dire que certaines personnes seraient tentées par précaution de jeûner le mois de Ramadan en avance, de peur de rater un jour. Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit cela et a fermé cette porte de l'exagération. Mais celui qui a l'habitude de jeûner un jour, lui n'aura pas jeûné par précaution ou par exagération. Il aura jeûné un jour habituel. Lui peut le faire. Naam, lui peut le faire. Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, nous dit qu'on tire de ce hadith la permission de jeûner le mois de Sha'ban. Où la plupart de Sha'ban, même sans le relier avec le mois de Ramadan. Sans le relier avec le mois de Ramadan. Naam. Aussi, celui qui avait l'habitude de jeûner un jour, naam, il n'a pas à le délaisser par rapport à ce hadith, car le prophète alayhi salatu wassalam a spécifié que celui qui avait une habitude peut la maintenir. Peut la maintenir. Donc, je répète, celui qui jeûne juste avant le mois de Ramadan par précaution, ceci est interdit. Naam, ceci est interdit. Et Ibn Rajab nous dit, quant aux rares compagnons qui ont fait cela, on suppose que le hadith ne leur était pas parvenu. Naam. Le deuxième cas, et c'est une question, c'est un point à part qu'on va citer, inshallah ta'ala, c'est celui qui a des jours à rattraper et qui se doit d'ajouter les deux derniers jours de Sha'ban pour compléter ses jours manqués. À supposer qu'une femme ait été indisposée durant 7 jours et qu'il ne reste que 8 jours avant le mois de Ramadan, celle-ci se voit dans l'obligation de jeûner les 7 jours d'affilée. Pourquoi? Car si elle ne le fait pas, elle va atteindre le mois de Ramadan et il lui manquera des jours à rattraper. Et cela, sans excuse, est proscrit et interdit. Est proscrit et interdit. Naam. Donc, celui qui rattrape des jours de Ramadan, donc un jeûne obligatoire, ou une expiation obligatoire, celui-ci peut jeûner même s'il atteint les jours précédant le mois de Ramadan. Enfin, il reste le cas de celui qui jeûne un jeûne recommandé, yani ce qu'on appelle al-nawafil al-mutlaqa, al-tatawwu' al-mutlaq. Il jeûne un jour comme cela, pas parce qu'il a une habitude, ni parce qu'il rattrape, juste pour se rapprocher de son Seigneur. Cela doit être délaissé chez beaucoup de savants. Beaucoup disent c'est détestable. Car le prophète a dit de ne pas précéder le jeûne du mois de Ramadan d'un ou de 2 jours. Naam, d'un ou de 2 jours. Donc la question suivante, le point suivant, est que celui à qui il manque des jours de Ramadan doit dès à présent se tenir sur ses gardes et les compter, naam, les répertorier et les rattraper de peur qu'il ne soit dans l'incapacité de le faire suite à une maladie, suite à un voyage difficile ou à des tâches difficiles, et ainsi de suite. Naam, certaines femmes, par exemple, oublient 1 ou 2 jours qu'elles ont laissés, car certes, elles ont le temps. Elles ont 11 mois pour rattraper leurs jours manqués lorsqu'elles étaient, par exemple, indisposées ou autres. Naam. Mais il faut, une fois le mois de Sha'ban arrivé, ne pas être négligent, faire ses comptes et être plein de vigueur pour rattraper les jours manqués. Car il est à craindre qu'en laissant les jours passer, on se voit dans l'incapacité. Et que d'hommes repoussent le jeûne des 6 jours du mois de Shawwal, et le mois de Shawwal sort, et ils disent, Subhanallah, il me manque un jour, il me manque 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il voyait long. Il voyait long ces jours-là. Et il se voyait également une longue espérance de vie. Donc le fait de repousser ainsi, naam, peut amener à ne pas accomplir l'adoration malgré la bonne intention. Et l'histoire de Ka'b ibn Malik à la bataille de Tabouk et la bataille de Tabouk ne vous est pas Mada ne vous est pas caché, je pense. Aïcha, radiallahu anha, Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, par exemple, elle rattrapait ses jours dans le mois de Sha'ban. Ses jours manqués, elle les rattrapait dans le mois de Sha'ban. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, a intitulé un de ses chapitres, Babun mata yuqda qada'u Ramadan. Et il y a le hadith de Aïcha radiallahu anha. Il lui restait des jours de Ramadan. Elle nous dit, Fama astati'u an aqdiya illa fi Sha'ban. Et je ne pouvais les rattraper que dans le mois de Sha'ban. Celui qui a rapporté le hadith a dit, ce qui l'empêchait de rattraper avant cela, c'est qu'elle était omniprésente au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était tellement au service du prophète alayhi salatu wa sallam, et elle cherchait tellement l'agrément de son Seigneur à travers la satisfaction de son époux, qu'elle ne rattrapait ces jours manqués que dans le mois de Sha'ban. Que dans le mois de Sha'ban. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam jeûnait le plus. Barakallahu fikum. Donc voici quelques points concernant les règles du mois de Sha'ban. Et pour finir, Inch'Allah ta'ala, il y aura la semaine prochaine une kalima propre à la préparation, à l'isti'adad ou l'idukhul shahr Ramadan, la préparation à l'entrée et la venue du mois de Ramadan. Wa ba'd, ceci étant dit, l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nous dit dans son livre Al-Adabu Al-Mufrad Babu Al-Inbisatu ila Nas, chapitre Être convivial avec les gens. Et nous avions étudié ce chapitre. Il nous reste un hadith à mentionner. عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به سمعته يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. معاوية radiallahu anhu a dit: j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam des paroles dont Allah m'a permis de bénéficier. Notamment, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dire: si tu es suspicieux avec les gens et tu poursuis cela, tu les corrompras, tu causeras leur perte. Donc, je ne manifeste pas de suspicion à leur égard afin de ne pas les corrompre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela à Muawiya radiallahu anhu, comme si il avait su que Muawiya allait être responsable chez les croyants, chez les musulmans, et qu'il allait être leur premier roi après Al-Khulafa al-Rashidun al-Mahdiyoun. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a donc mentionné ce hadith sous le chapitre « Être convivial avec les gens ». Quelle est la sagesse d'avoir mis ce hadith sous ce chapitre? Muawiya radiallahu anhu nous montre la valeur des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et il nous dit: j'ai entendu une parole du prophète alayhi salatu wassalam et Allah m'en a fait grandement bénéficier. Voici la parole de celui qui a aimé son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui connaît la valeur de ses paroles. Et c'est ainsi que nous devons être, chers croyants. On doit considérer les paroles du prophète alayhi salatu wa sallam comme des trésors, comme une lanterne qui nous éclaire le chemin, qui nous permet de percevoir ses embûches, son chemin le plus aplani, le plus court, menant au but recherché. Et c'est ainsi que le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est un guide, un imam, un père pour les croyants, sallallahu alayhi wa sallam. Muawiya, radiallahu anhu, a pris exemple sur le prophète, alayhi salatu wa sallam. Il était convivial avec les gens. Naam, il, de par son comportement, les attirait vers lui, et lui-même allait vers eux. Et celui qui est à ce comportement-là, les gens trouveront paix et sérénité auprès de lui, et ils aimeront le voir, le rencontrer, prendre place auprès de lui, en imaginant avant même sa rencontre tirer profit de ses assises. Quant à celui qui doute des croyants, qui aimait le doute et la suspicion sur eux, et même lorsque l'apparence du croyant est bonne, lui n'a d'autres habitudes que de dire « Non, mais peut-être qu'il cache ceci ou il cache cela. » On n'a rien vu de mal sur lui, mais c'est bizarre parce que et parce que. Naam, je ne le connais pas et la base, je m'en éloigne, et ainsi de suite. Il ne se base pas sur la règle des savants, qui est que la base, c'est de prendre la personne selon ce qu'elle fait paraître, ou qu'elle est saine de ceux dont on ne l'a pas vu faire, et donc d'accusation. Par contre, s'il doute sur les gens, est-ce qu'il va être convivial? Est-ce qu'il va aller vers eux? Est-ce qu'il va leur sourire et les accueillir? Est-ce qu'ils vont aimer venir vers lui? Est-ce qu'il va aimer aller vers eux? Non. Mais il doutera de toute personne. Et on a rencontré des gens qui nous disaient, subhanallah, lorsque je prends place avec telle personne, je doute de tout le monde et de tous les prêcheurs. Un frère, puisse Allah lui accorder la guidance ainsi qu'à nous-mêmes, dès que les gens prenaient place avec lui, il doutait de tout le monde. Comme si personne n'était sur la sunna, si ce n'est lui. Naam, à l'image des Khawarij, qui, dans une même assise, se rendent mécréants les uns les autres et refont la shahada plusieurs fois. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux dise « Je ne connais personne sur la terre d'Allah de musulman, si ce n'est moi et une personne dans telle ville. » Allahu Akbar. Alhamdulillah, les sunnah sont nombreux. Les sunnah sont répandus sur la terre d'Allah. Parmi eux l'ignorant, parmi eux le savant, parmi eux l'étudiant en science, parmi eux le pieux, parmi eux le moins pieux, parmi eux le généreux, parmi eux le bon, parmi eux le mauvais. Mais les gens de la sunnah sont nombreux. Et il ne convient pas de mettre le doute sur la sunna d'une personne, même par la simple suspicion et par le simple doute qui est beaucoup, qui souvent est dû à une maladie du cœur. Cependant, ou néanmoins, il est à noter et à retenir que celui qui fait paraître ce qui laisse entendre le mal, ce qui laisse suspecter le mal par ses mauvaises fréquentations, par un mauvais verbe, par la lecture des livres des gens de l'innovation ou autre, alors c'est lui qui aura poussé à la suspicion. Alors c'est lui qui aura été coupable. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous dit « Ya ayyuha alladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhann inna ba'da adh-dhann ithm » Ô vous qui avez cru, éloignez-vous de beaucoup de suspicions. Car certes, une partie des soupçons sont péchés. Le grand savant, l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'Allah azawajal dit une partie des soupçons, car ceux qui sont basés sur des faits, des preuves, des arguments, ne sont pas péchés. Ne sont pas péchés. Ceci étant dit, il est mauvais de rentrer dans la mauvaise opinion des gens. Il est mauvais de rentrer dans la suspicion des gens, le soupçon, le mauvais soupçon particulièrement. Car ça poussera à ne pas être convivial. Ça poussera à sortir de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va les suspecter, premièrement. Deuxièmement, il va parler en mal d'eux. Troisièmement, il va chercher à confirmer ses soupçons en les espionnant. En les espionnant, il va chercher leurs fautes. Et ainsi, il va les corrompre. Vous savez comment est-ce qu'il va les corrompre? S'il a une responsabilité comme être patron, surveillant ou autre, ses employés diront qu'on fasse le bien, qu'on travaille avec excellence ou pas, dans tous les cas, lui, il doute toujours de nous et il dit toujours du mal de nous. Alors, à quoi bon bien travailler? Ainsi, c'est lui qui les aura corrompus. C'est lui qui les aura égarés. C'est lui qui les aura anéantis par son mauvais, par sa mauvaise gérance. Alors que celui qui est optimiste, qui a une bonne opinion des gens, sans se faire duper, na'am, celui qui pousse au bien, qui encourage et qui espère voir le bien des gens, ben, il propagera cette bonne attitude, ce bon soupçon, et ça se répercutera sur les gens qui sont sous sa responsabilité. Il les valorisera, il les encouragera, alors eux se verront être obligés d'être à la hauteur de ce bon soupçon. De cette bonne opinion, ça les poussera à mieux travailler, à être à la hauteur de la bonne opinion. Ainsi, il y aura ce qui est voulu ici dans ce chapitre, la convivialité entre les croyants. Et Muawiyah radiallahu anhu nous dit avoir tiré profit des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam et donc avoir appliqué ce conseil. Il ne suivait pas les défauts des gens, mais il les considérait selon ce qu'il faisait apparaître. Selon ce qu'il faisait apparaître. Naam, il ne soupçonnait pas les gens de mal, sans preuve, sans argument. Et Muawiyah, radiallahu anhu, a une particularité parmi les sahaba, plusieurs même, c'est qu'il est surnommé Khalul Mu'minin, l'oncle des croyants, car sa sœur était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et c'est les mères des croyants, les femmes du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez. Ainsi, lui a été surnommé l'oncle des croyants. Ajoutez à cela un mérite incommensurable, colossal et exceptionnel. Muawiyah est katibul wahi, katibu kalami rabbil alamin. C'était le scribe du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam qui notait la révélation d'Allah, le Seigneur des mondes. Il fait partie de ceux qui ont écrit le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur des feuillets. Et cela lui suffit comme honneur, cela lui suffit comme éloge, cela lui suffit comme mérite. Naam, extrêmement grand. Radiallahu anhu. Malgré toutes ses qualités, malgré toutes ses spécificités, la sunna d'Allah ne l'a pas manqué. À savoir que certaines mauvaises langues ont tenté de toucher à son honneur, ont tenté de dissiper ses caractéristiques, ont tenté de dissiper ses particularités. Mais en réalité, ça n'est qu'à leur propre personne qu'ils ont fait du mal et qu'ils ont opprimé. Naam, lorsqu'on critique un compagnon, ça ne nuit qu'au critiqueur. Quant au compagnon, il ne fait qu'amasser plus de hasanat, comme si Allah Azzawajal avait voulu, après leur mort, ajouter récompense à leur récompense. Et certaines personnes comme Ar-Rafida, comme ceux qui insultent les compagnons, ceux qui insultent les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, cette secte égarée qui ne comprend aucun bien, qui sont les alliés du shaitan et qui ont fait scission d'avec le parti d'Ar-Rahman, ces gens-là maudissent Muawiyah, insultent Muawiyah et insultent des gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam comme ses épouses et insultent certains compagnons. Et Muawiyah est innocent de leur langue mauvaise. Muawiyah est au-dessus, Allah Azzawajal l'a élevé. Et une poussière sur les pieds de Muawiyah radiallahu anhu, en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, au secours de l'islam et de la sunna, est meilleure que leur personne, un nombre incalculable de fois. Où sont-ils de la parole d'Allah Azzawajal? والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل غلا للذين آمنوا. Ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les compagnons, disent: Ô notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Voici les doigts des croyants véridiques, des successeurs des compagnons, des croyants, des véritables croyants. Ils invoquent en faveur des compagnons, ils les aiment de par leur cœur et ne trouvent et ne met aucune rancœur dans nos cœurs à l'égard de ceux qui ont la foi. Voici le comportement vers les compagnons. Avec le cœur, qu'une bonne opinion. Avec le cœur, aucune rancœur. Et avec la langue, que des éloges. Avec la langue, aucune mauvaise parole. Ainsi, celui qui critique un compagnon parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam a une maladie gravissime au cœur. A une maladie gravissime au cœur. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala fut interrogé au sujet d'une personne qui disait du mal d'un compagnon bien de Muawiyah. Il a dit: nul doute quant au fait qu'il a du mal dans son cœur. Nul doute qu'il a du mal quant au fait qu'il a du mal dans son cœur. Donc il est formellement interdit de mentionner en mal un compagnon. De mentionner en mal un compagnon. On doit tous les aimer, tous les valoriser. Certains sont meilleurs que d'autres. Certains ont des particularités au-dessus d'autres. Mais on les mentionne tous en bien. Et celui qui les mentionne en mal, il n'est pas sur la voie droite. Il n'est pas sur la voie droite. Muawiyah, j'ai peut-être omis de le mentionner, est le premier roi en islam. Abu Bakr est le premier calife, le successeur du prophète alayhi salat wa salam. Omar le second. Othman le troisième. Ali le quatrième. Puis, durant 6 mois, donc le califat s'arrête là, selon beaucoup de savants, et certains ont ajouté les 6 mois du petit-fils du prophète alayhi salat wa salam. Puis c'est Muawiyah à qui on a concédé le pouvoir. Il est donc devenu le premier roi et le meilleur roi des musulmans. Naam, radiallahu anhu. Voici pour pour ce hadith. Et sachez que parmi la croyance de Ahli Sunnah et Wal Jama'ah, le fait de ne pas entrer dans les divergences entre les compagnons et les disputes qu'il y a pu avoir. Mais nous disons que celui qui a vu juste a deux récompenses. Et celui qui a eu tort, il a une récompense pour son effort de réflexion. Quant à sa faute, elle est pardonnée. Elle est effacée. Et leur minorité de divergence se font dans la mer de leur connaissance et de leur mérite et de leur secours de l'islam du prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Et on étudiera inshallah ta'ala la semaine prochaine Babu at-tabassum, le chapitre du sourire, à savoir que parmi les nobles caractères dont était doté le prophète alayhi salat wa salam, le fait de sourire. À un point tel que Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiallahu anhu a dit « Ma ra'ani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mundhu aslamt illa tabassama fi wajhi. » Allahu Akbar. Jarir ibn Abdillah al-Bajali, je vous laisse sur ce magnifique hadith, nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt depuis que j'ai embrassé l'islam, le messager d'Allah ne m'a pas vu une seule fois sans qu'il ne m'ait souri. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais vu depuis que j'ai embrassé l'islam si ce n'est en me souriant au visage. Si ce n'est en me souriant au visage. Naam. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.